Manger, manger, moi, bon mauvais genre. Manger, manger, bon mauvais genre. Aïe, maman, pas bon mauvais genre. Manger, manger, bon mauvais genre. Papa, il n'a mangé, moi, bon mauvais genre. Manger, manger, bon mauvais genre. Aïe, maman, bon moins bon petit genre. Manger, manger, bon mauvais genre. Papa, bam, soclo, bon mauvais genre. Manger, manger, bon mauvais genre. Aïe, maman, pas bon mauvais genre. Manger, manger, bon mauvais genre. Papa, fait jalousie pour faire moins de. Le montre la danka et le débordé. Au grand enveloppe, au bon coup de bouteille. Dans qualité jalousie, ça y est, ma paix débordé. Manger, manger, bon bonjour. Manger, manger, moi, bon mauvais genre. Manger, manger, bon bonjour. Aïe, maman, pas bon mauvais genre. Manger, manger, bon bonjour. Wapay, n'a mangé, moi, bon mauvais genre. Manger, manger, bon bonjour. Aïe, maman, pas moins bon petit genre. Manger, manger, bon bonjour. Wapé bam soufflé, wap bam mauvais genre. Manger, manger, bam bonjour. Aïe, maman, pas bam mauvais genre. Manger, manger, bam bonjour. Ça à toi.